Fête nationale d'expatriés. Les vacances sont finies. Daphné s'envole pour Nice vendredi 31 juillet. Pendant tout le trajet du retour, Maxime se félicite de la bonne entente de leur trio. Il se réjouit du jour où il pourra avoir ses deux filles chez lui pendant l'été. Il espère même réussir à convaincre leur mère de les laisser, l'une après l'autre, effectuer une année scolaire aux USA. Faustine se dit que si ça arrive, leur intimité s'en verra légèrement compromise. Comment arriveront-ils à se construire en tant que couple si Maxime est en voyage 6 mois sur 12? Elles s'y sont envahies de visiteurs, fussent-ils familiers le reste du temps? Accessoirement, si leur tandem continue à tenir la route, c'est bien parce que Faustine n'a jamais le temps d'y réfléchir, ni de le remettre en question. Le lendemain soir, Maxime joue à la taverne du colonel Brooks à Washington. Il propose spontanément à Faustine de faire un tour par l'ambassade de Suisse en début de soirée, puisqu'elle a reçu un carton d'invitation à l'occasion du 1er août, fête nationale suisse. Ce n'est pas qu'il soit particulièrement patriote, mais il ne crache pas sur l'opportunité d'un repas gratuit. A priori, Faustine n'est pas très emballée. Mais pourquoi pas, après tout? Faire connaissance avec d'autres expatriés, se renseigner sur les us et coutumes et les bonnes adresses des pédiatres, à Washington DC, ne sera pas perte de temps. Lorsqu'ils arrivent, une centaine de compatriotes sur les nombreux Suisses de l'étranger, 10 000 expatriés par an, dont plusieurs centaines aux USA, sont réunis dans la salle des fêtes de l'ambassade. Un immense buffet trône au milieu de la pièce. Il est garni, entre autres, de salades de cervelas, de petits ballons, de ramequins au fromage, de canapés savamment décorés, mais aussi de dizaines de desserts allant du Kuhklopf à la Linzertorte, en passant par les meringues à la crème double, la Nusstorte et les vermicelles, même si ce n'est pas la saison. Dans les jardins, des grilles laissent échapper d'alléchantes odeurs de saucisses de veau rôties. Même la moutarde Tommy, que Faustine déteste, est au rendez-vous. La jeune femme rôde d'un groupe à l'autre, souriant, tous azimuts, tentant de reconnaître les accents. Il y a plus de Suisses allemands que de Suisses romands. Comme toujours, ce sont les seuls à avoir les moyens de leurs ambitions. Ils sont presque aussi hégémoniques que les Américains. Ne pas s'étonner si on vous propose des rochetis et de l'émincé de veau jusqu'à Rhodes. Au milieu de tous ces gens bien mis, Faustine a l'impression d'être un imposteur, du fait qu'elle se sent bien plus française que suisse. Sans doute les autres perçoivent-ils son malaise, car ils l'ignorent royalement. Monsieur le consul prononce son discours en français, en allemand et en italien. Enfin, il ne fait pas 3 fois le même, entendons-nous bien. Simplement, en cours de route, il passe d'une langue à l'autre et débrouille-toi pour comprendre la suite si tu as raté le début. Faustine bâille, mais résiste. Elle ne commence à paniquer que lorsque tout le monde se met à chanter l'hymne national dont elle-même connaît à peine les premières paroles. Arrive par là-dessus un trio de joueurs de cor des Alpes accompagné d'une dizaine de fiers yodeleurs en culotte de peau. Yolololololou, ah le yodel, ce doux chant des alpages suisses, comme dirait la pub, cette mélodie qui nous transporte par-delà les cimes, susurre Maxime à son oreille. Faustine hésite tout d'abord entre le fou rire et les larmes, mais ses cheveux se hérissent, la poule se fait chair sur son bras, la rougeur monte et monte et monte jusqu'à ses oreilles. Désespérément, elle cherche un trou de souris. Elle ne supporte pas d'entendre ses vocalises, qu'elle considère comme primitives. Elle a honte pour son peuple, ignorante qu'elle est. C'est une chose d'écouter ses vocalises au fin fond d'un village suisse, quand on a bu un verre, voire deux. C'en est une autre sur le fond de gratte-ciel au pays des John Deere. Des décennies plus tard, elle aura dépassé ses a priori puérils et appris que le yodel, ou yutse, écrivez-le comme vous voulez, appartient aux musiques traditionnelles du monde. C'est avant tout une technique qui consiste à passer de la voix de poitrine à celle de tête. Bien avant d'accéder au statut de chant folklorique, le yodel était surtout, pour les bergers des montagnes, le moyen de communiquer d'un alpage à l'autre. N'est-ce pas incroyablement romantique? Pour l'heure, la jeune femme ne pense qu'à une chose, prendre la fuite le plus vite possible. Maxime freine des quatre fers car il a faim, lui. Alors les deux se retirent dans les jardins et se gavent de saucisses à rôtir et de pain frais. Après quoi, repus, ils saluent à la cantonade et se mettent en route pour la taverne où l'orchestre n'attend plus qu'eux. Une heure plus tard, la fête bat son plein. Faustine est fière de voir son homme jouer comme un dieu. Si fort, si viril, cage thoracique développée par le souffle puissant, Tarzan aux muscles déployés, roulant tout en souplesse pour accompagner le mouvement des doigts le long de l'instrument. Plus bas, postérieur agréablement rebondi, quel cul mes aïeux, qui swing en cadence au-dessus de la jambe, pied en contrepoint faisant danser tout le corps. Cet homme-là vit la musique. Le regarder reste un enchantement après toutes ces années à se demander qui elle préfère de l'homme ou de sa musique. David, leur ami photographe et sa jeune femme Lydia passent boire un verre en cours de soirée. Lydia a encore grossi. La pauvre a bien chaud en ce mois d'août. Enceinte, en ville, par ces temps de canicule, c'est rude. Faustine interroge. C'est pour bientôt? Pour avant-hier. Elle a décidé de concurrencer les bébés baleines. Courage, plus que 2 ou 3 mois. Ah non, je ne survivrai pas. T'es sûre que c'est une fille? D'ordinaire, on dit qu'elles ont tendance à être en avance par rapport aux garçons. Bah, je ne sais pas. C'est vrai que les signes sont trompeurs. Mais j'aimerais vraiment avoir la paire, oui. Et plus avoir besoin de remettre ça. Moi aussi, j'aimerais, pense Faustine en silence, dans la voiture qui les ramène à Warrenton sur le coup de minuit. Oh, elle n'est pas trop déprimée. Tout au fond d'elle-même, elle sait bien qu'elle y arrivera un jour. L'expérience a prouvé qu'elle finit toujours, à force d'opiniâtreté, par obtenir ce qu'elle désire. En attendant, elle accumule les points. Maintenant qu'elle a rassuré Maxime sur ses capacités maternelles en s'occupant de sa fille, elle tente de devenir une gestionnaire avisée des ressources du ménage. Cela ne peut que plaire à son arménien de compagnon. À défaut de gagner de l'argent, elle s'abstient d'en dépenser. Elle s'épile et se coupe les cheveux toute seule. Pour les cheveux, il lui suffit de raboter à 2 centimètres tout autour de la tête. Elle a de la chance, sa tignasse bouclée pardonne tout, trous et échelles compris. Pour l'épilation, c'est plus compliqué. Faustine s'est procuré de la cire d'abeille et une petite casserole. Elle chauffe la dite cire, puis à l'aide d'un abaisse-langue l'applique sur les parties à épiler. Sourcils, moustaches et barbe, pour les jambes et les aisselles, elle emprunte le rasoir et la mousse à raser de Maxime. Dès que la cire est solidifiée, elle tire un bon coup et ça y est. Le hic, c'est que ça prend du temps avant de maîtriser la bonne température. Toujours trop pressée, elle se brûle. Ça laisse des traces rouges longues à se résorber. Peut-être aussi parce qu'ignorant qu'on ne met jamais de gras sur une brûlure, elle tente de calmer celle-ci avec des kilos de crème hydratante. Un jour, elle a même essayé d'arracher le duvet résiduel sur sa nuque avec de la cire chaude. Quelle horreur ! Elle en a pleuré. Maxime a rugi. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec leurs combines ? C'est n'importe quoi, fais attention, voyons. Ceci dit, ce n'est pas pour autant qu'il lui a proposé ni offert une séance chez l'esthéticienne. L'autre grand événement de l'été au bureau, c'est le pique-nique du personnel. Obligatoire, incontournable. Ça et la fête de Noël, personne n'y réchappe, quitte à poser ses congés avant ou après. D'ailleurs, aux USA, les vacances, c'est 15 jours, pas un de plus. Et on ne compte pas ses heures pendant la semaine. Souvent, Maxime travaille jusqu'à 60 heures, du lundi au samedi. On est loin des 39 heures de l'époque et des 4 semaines de vacances payées. Sans parler du rythme infernal des allers-retours Europe, USA, des jet lags et de l'omniprésence souhaitée pendant les séminaires 24 heures par jour. La société étant jeune encore, les instructeurs sont en nombre limité. Il faut également écrire les manuels de cours pendant les trajets en avion. Par contre, en tant que vice-président à Gainesville, il peut aménager son temps comme il le souhaite. Et en Europe, s'arranger pour rattraper quelques heures supplémentaires à Cagnes avec ses filles. Pendant le sacro-saint pique-nique autour de la piscine des White, il partage son expérience avec les employés. Il s'agit de mieux se connaître. Un verre à la main, les langues se délient, la prudence s'estompe, la vérité sort de derrière les crackers. L'employé américain ordinaire n'a pas une grande marge de manœuvre. S'il trouve du travail facilement, il risque de le perdre tout aussi vite lorsqu'il n'en accepte pas les aliénantes conditions. C'est moins grave qu'il n'y paraît. On retrouve un job facilement dans certains secteurs, et l'Américain est un migrant. Il n'hésite pas à aller très loin en quête du patron idéal. Dans le secteur social, c'est encore plus aléatoire. Pendant les mois de juillet et août 1981, il y a à Boston des manifestations contre les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement. De fait, le président Reagan, à peine au pouvoir, présente son programme de redressement économique destiné à lutter contre l'assistanat et remettre l'Amérique au travail. Les subventions versées aux collectivités locales et aux États diminuent drastiquement, ainsi que certaines prestations sociales, comme les allocations chômage. Pas de bol, il vient de licencier 11 000 des 13 000 aiguilleurs du ciel, coupables d'avoir déclenché une grève interdite par la loi. Fichtre, le parti républicain ne fait pas dans la dentelle. Faustin réalise alors à quel point leur statut d'étranger les privilégie, Maxime et elle-même. Certes, Maxime a apporté dans la corbeille de mariage de son employeur un certain nombre d'avantages auxquels Don White n'est pas indifférent. Un carnet d'adresses bien rempli, ainsi qu'une capacité à faire rentrer de l'argent en éliminant les frais inutiles et en proposant des produits inédits, presque aussi grande que celle de son roublard d'employeur. Certes, Maxime mouille sa chemise sans regarder sa montre, mais quand même, cela ne justifie pas tous les passe-droits dont il bénéficie. Horaires à la carte, voiture de fonction, secrétaire autorisé à lui trouver son logement pendant des heures de bureau, billets d'avion pour sa compagne, etc. Faustine, pendant que les hommes causent business, tend l'autre oreille et comprend que le paternalisme de Don et Colleen est insupportable à beaucoup. Imbibé, les secrétaires se dévoilent et racontent à quel point ils se mêlent de tout, dirigent tout, contrôlent tout. La première chose que Colleen demande avant de faire la connaissance d'une nouvelle recrue, c'est à quelle église elle appartient, et si elle y va régulièrement, si elle est mariée ou pas. Il est exclu d'embaucher quelqu'un qui vit en concubinage ou dont les parents boivent, par exemple. Cette façon de s'immiscer dans la vie des gens choque beaucoup la Suissesse. On ne tolérerait jamais cette attitude en Suisse, encore moins en France, bien que dans certains milieux inconnus de Faustine, ce soit sûrement la même chose. Elle voit bien que cela a pour résultat, comme dans toute dictature, d'obliger les gens à vivre dans le mensonge. Ici, comme ailleurs, les esclaves se débrouillent pour tirer leur épingle du jeu. Finalement, retourner bosser lundi matin, c'est reposant. Bridget a mis une ravissante blouse aujourd'hui, une couleur qui lui va particulièrement bien. Et Faustine lui dit haut et fort. « Merci !» répond l'intéressé sans plus de commentaires. Faustine en est pour ses frais. Elle ne saura pas où Bridget a trouvé le vêtement, combien il lui a coûté, ni aucun de ces détails qui font la légèreté d'une conversation. Voilà une différence avec ses amies parisiennes qui, chaque fois qu'on leur fait un compliment sur leur tenue, se sentent obligées de la déprécier pour ne pas attirer les convoitises, ou, à contrario, de commenter en détail l'historique complet de son acquisition. Nonobstant ce détail, les cuisinières travaillent vite et bien, dans la joie et la bonne humeur. Le terme de Bridget approche. Fin août, elle arrivera au bout de sa grossesse. Elle compte travailler jusque-là, souhaitant garder plus de temps libre pour s'occuper de son nouveau-né. Elle est reconnaissante que sa santé le lui permette, bien que Philippe lui ait dit qu'elle pouvait partir quand elle le souhaitait, la relève étant assurée. Faustine est bien rodée désormais. Elle sait presque tout réaliser, sauf les plats minutes. Elle se demande qui Philippe a engagé pour remplacer les deux cuisinières. Que sera, sera.